Le rassemblement au niveau central des Coréens au Japon pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung a eu lieu le 15 courant à la Maison de la Culture Coréenne à Tokyo, Japon. Y ont pris part Ho Jong-man, président du Présidium du Comité Central de l'Association Générale des Coréens Résidents au Japon, Chongnyeon, les cadres de la Chongnyeon, les compatriotes de différents milieux et les jeunes étudiants. Dans son rapport, Ho Jong-man a indiqué que le président Kim Il-sung qui a conduit la Chongnyeon à la victoire et à la gloire avec les idées originales en matière de mouvement des combattants d'outre-mer et la direction clairvoyante, est l'éminent leader du mouvement original des Coréens au Japon et le père affectueux qui a accordé tous les bienfaits aux Coréens au Japon. Il a dit que les exploits mortels du président Kim Il-sung ont été revalorisés sous la direction sage du généralissime Kim Jong-il et sont continués à merveille au nouveau centenaire du Jeté grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un. Il a souligné que les cadres de la Chongnyeon et les Coréens au Japon doivent faire briller à jamais la vie révolutionnaire et les exploits mortels de direction du président Kim Il-sung pour le mouvement des Coréens au Japon et doivent manifester encore plus dans le monde la puissance de la Chongnyeon sous la direction du maréchal Kim Jong-un. On y a donné lecture d'une lettre adressée au dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, le même jour, la représentation artistique de la troupe d'opéra Kumgangsan et l'exposition centrale de photos de la Chongnyeon pour le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung ont eu lieu respectivement à la Maison de la Culture Coréenne à Tokyo.